Passez un très bel après-midi avec nous, c'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Nous n'avions pas encore l'habitude de voir fonctionner tant de machines sans causes apparentes. Ces procédés occultes déroutaient l'esprit. Cette semaine, du désordre de la nuit à l'ordre éclairé. L'odyssée d'une lumière. Je vis que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le pouvoir sur la lumière est exprimé de manière presque caricaturale par Louis XIV, qui en fait une marque de fabrique finalement de son propre règne. Nous n'avions pas encore l'habitude de voir fonctionner tant de machines sans causes apparentes. Ces procédés occultes déroutaient l'esprit. Nous retrouvons aujourd'hui de nouveau l'historien Marco Cecchini pour évoquer avec lui plusieurs sujets qui font partie de ces sujets d'intérêt, au centre duquel il y a ce thème central du rapport de l'individu à l'État, un État qui est à la fois en train de s'affirmer mais également de se construire, et à l'intérieur de ce grand fil rouge, d'innombrables thèmes peuvent surgir. Il en est un, notamment, que nous avons un peu évoqué hier, il s'agit du thème de la nuit. Marco Cecchini, vous-même, avez écrit, travaillé là-dessus, notamment au travers d'un article dont je vais donner le titre, qui éclairera, sans mauvais jeu de mots bien sûr, tout de suite les oreilles qui nous écoutent, « Gouverner la nuit au siècle des Lumières, entre tyrannie des heures noires et plaisir noctambule ». Avant que nous ne pénétrions davantage dans les lignes de cet article, vous venez à la nuit de quelle manière ? C'est un peu les hasards des lectures ? C'est tout d'un coup quelque chose qui fait tilt ? On parlait en début de semaine de votre manière de travailler, des petites notes que vous preniez sur un carnet. Alors la nuit, ça faisait partie des petites notes qui avaient été écrites depuis un certain temps, et puis l'occasion faisant le larron peut-être. À vous de faire la suite. Mais effectivement, c'est un peu toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'avant de consacrer mon travail de thèse à la police, j'avais rédigé pour une revue de jeunes chercheurs en sciences humaines, qui est aujourd'hui malheureusement disparue, qui s'appelait Carnet de bord. J'avais consacré un compte-rendu à un livre qui venait de paraître en 2000-2001, qui s'intitulait « Les 12 heures noires », qui était un livre d'une jeune historienne, Simone Delattre. Et j'avais été fasciné par cette thématique d'abord, qui était pour moi pratiquement nouvelle. J'avais jamais lu un ouvrage entier consacré à l'histoire de la nuit, et d'ailleurs elle-même, l'historienne, disait avec beaucoup de malice « Nul n'a jamais pensé écrire une histoire de Paris le jour ». Et cet ouvrage, en fait, je l'ai gardé effectivement dans un petit coin de mon esprit quand j'attaquais ensuite une thèse sur les origines, la construction d'une police à Genève au XVIIIe siècle. Et bien là, la thématique de la vie nocturne ou du contrôle de la nuit est apparu comme une évidence. Alors j'en ai pas fait le point central de mon travail de thèse, mais c'est une thématique qui réfracte en fait beaucoup d'interrogations que j'avais sur finalement comment se noue le rapport à l'ordre et au désordre dans une ville sous l'Ancien Régime. Vous avez travaillé notamment sur la question sur la ville de Genève. Et si l'on doit inscrire Genève dans un regard relié aux autres capitales, Genève et l'éclairage nocturne est sensiblement contemporain aux autres capitales européennes. Alors, le cas de Genève est intéressant parce que c'est une ville. Alors, à l'échelle de la Suisse, il faut le dire, c'est la plus grande ville de l'espace helvétique sous l'Ancien Régime. À la fin du XVIIIe siècle, on atteint pratiquement 30 000 habitants intramuros. Ça, c'est le premier élément. Dans l'espace donc helvétique, une grande ville. En même temps, dans l'espace européen, plutôt une ville médiocre, moyenne. Donc, c'était pas une grande ville. Ce qui permet de travailler autrement que si on travaille sur une grande capitale comme Paris ou Londres. Pourquoi ? Parce que on a une autre échelle en fait d'analyse, et on peut travailler, donc les archives évidemment sont moins volumineuses, les affaires, ne serait-ce par exemple que les affaires judiciaires, sont beaucoup moins nombreuses, et donc on arrive à travailler sur plusieurs thématiques en restant finalement dans un cadre géographique qui est limité. Ensuite, alors, il y a une autre particularité qui est intéressante de cette Genève d'Ancien Régime, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est intéressante encore une fois par rapport aux villes capitales, c'est que c'est une ville fermée, c'est-à-dire une ville qui est ceinte de fortifications, du reste jusqu'à assez tardivement, hein, puisque les fortifications ne sont démolies qu'à la faveur du gouvernement radical de James Fazi à partir des années 1848-1849. Alors, comment inscrire maintenant la spécificité de l'éclairage public à Genève à travers ce double filtre, la taille de la ville et la fermeture des fortifications? Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est que c'est un éclairage qui est tardif puisqu'il se met en place de manière systématique à partir de 1782. À Genève. C'est beaucoup plus tard que... Alors, les grandes villes européennes du nord de l'Europe, si on pense à Paris, non seulement Paris, mais aussi Londres, Amsterdam, Bruxelles, même Copenhague, c'est pratiquement un siècle plus tard. Toutes ces villes de la moitié nord de l'Europe sont dotées d'éclairage, système d'éclairage public déjà à la fin du XVIIe siècle, et Genève, c'est donc pratiquement un siècle plus tard. Je ne saurais résister. Pourquoi ce retard à l'allumage? Alors, justement. Alors, il y a plusieurs facteurs, et une des études toutes récentes qui a été consacrée à l'éclairage public en France permet d'y voir un tout petit peu plus clair, sans mauvais jeu de mots, sur cette affaire. Il y a un premier moment qui, dans le jargon des historiens, peut être qualifié de moment top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, c'est-à-dire l'autorité centrale, en l'occurrence en France la monarchie, impose l'éclairage public à des villes de province. Et ce premier moment, en fait, est très mal vécu par les municipalités, parce que derrière cet événement, ou cette proposition de doter les villes d'éclairage, cet ordre, il y a une manœuvre fiscale, comme souvent sous le règne de Louis XIV. Les bras montants. Et donc, ce nouveau dispositif est très mal vécu, très mal. Il suscite de fortes résistances. Ce sont les petites villes qui doivent passer à la banque? Passer, oui, à la caisse. Absolument. Ouais. Et alors, pourquoi j'évoque ceci? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ça a un coût, l'éclairage public, qui est très important sous l'Ancien Régime, et que c'est la première source de résistance, en fait. Qui va payer et combien faudra-t-il payer pour l'éclairage public? Aujourd'hui, évidemment, le coût de l'éclairage public est dilué dans nos impôts, donc on n'a pas de traces directes, mais vous le savez, dès qu'on doit payer ou dès que l'on est taxé pour un objet en particulier dans nos vies quotidiennes, eh bien ça là, grince. Ça grince, effectivement, il y a des résistances qui peuvent s'organiser. Donc, c'est une des premières raisons de ce retard, c'est le coût. La deuxième raison de ce retard, finalement, c'est l'efficacité du dispositif. Quand on parle d'éclairage public, il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, on branche la prise et la lumière est faite sur la ville. C'est extrêmement laborieux, ce sont quelques dizaines, voire centaines de lanternes qui sont installés. Je peux prendre un exemple, hein, qui nous déplace de Genève, de quelques kilomètres, à Carouge par exemple, petite ville au début des années 1790 qui fait 4000 habitants, royaume de Sardaigne. Les autorités décident de participer à ce grand mouvement promoteur de clarté, et on installe 8 lanternes à réverbères dans la ville. Donc, c'est pratiquement rien, hein. En 1782 à Genève, on installe enfin l'éclairage public, eh bien ce sont 170-180 lanternes. Là aussi, c'est extrêmement peu. Donc on reste dans un espace urbain qui est plongé dans l'obscurité, mais qui est parsemé de petits îlots lumineux. Ceci dit, cela permet quand même à la ville de se distinguer par rapport à la campagne environnante, qui elle, effectivement, est complètement plongée dans l'obscurité. On a peut-être une représentation un peu rapide de ces premières lanternes. A-t-on idée de leur taille, du mode d'éclairage, de combustion, la durée de la combustion? On le savait, on a fini par le savoir pour les bougies au théâtre, puisque finalement la longueur d'un acte au théâtre Chez Corneille, Molière ou Racine, c'est à peu près la longueur de la combustion de la dite bougie en question. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on a des précisions techniques ? Non, c'est merveilleux comme vous faites le lien entre l'histoire finalement de la matérialité d'une part et l'histoire des productions culturelles. Hein. C'est à cause de vous. Hein. Mais alors, pour Genève, on n'a pas de réponse précise. On peut les inférer de ce qui se fait un petit peu partout en Europe à partir des années 1760 où est inventé. C'est une véritable invention qui va bouleverser, révolutionner, pense-t-on même à l'époque, l'éclairage urbain. C'est la lanterne à réverbère. C'est-à-dire que c'est une lanterne qui est dotée de une ou plutôt deux ou trois mèches qui est alimentée par de l'huile. Pour Genève, alors c'est la seule information que l'on a, d'olive, huile d'olive ou de noix, et qui la source de lumière est réfléchie par des systèmes de réverbères qui sont placés sur le pourtour, sur le haut et le pourtour de la lanterne, et donc qui augmentent l'intensité lumineuse. Il faut bien voir que jusqu'à l'invention du réverbère, il n'y a pas d'autre possibilité que d'augmenter l'intensité lumineuse en multipliant les sources de lumière. Et là, grâce à un dispositif technique ingénieux de petits réflecteurs, eh bien on arrive à augmenter finalement l'intensité lumineuse des lanternes. Et puis ce sont des lanternes à Genève qui sont tendues entre deux murs, entre deux façades des maisons, des lanternes qui sont donc suspendues à une corde tendue entre deux façades. Ce sont des réverbères que l'on suspend d'un immeuble à l'autre, les deux se faisant face par des cordons au-dessus de la rue, ou ce sont des objets sur pied ? Non, non. Alors ça, c'est un autre modèle du nord de l'Europe. Là, le modèle qui est utilisé à Genève, ce sont vraiment deux cordes qui sont tendues d'un côté et de l'autre, des façades des maisons qui se font face dans la rue. L'historien le sait sans doute mieux que quiconque. Les mauvais esprits ne connaissent pas d'époque particulière. Il y en a aujourd'hui comme il y en a eu jadis. Est-ce que parmi ceux-ci, certains s'amusaient à viser le réverbère ? Bien sûr. C'est d'ailleurs un sujet de... pas d'étonnement, mais ça montre bien à quel point chaque dispositif de contrôle ou de surveillance qui est censé régler un ordre est générateur de désordre, puisque la lanterne supposée à apporter de l'ordre est évidemment faire diminuer et faire baisser le taux de criminalité nocturne, eh bien en fait, alors on ne va pas dire qu'il l'aggrave, mais il génère d'autres types de criminalité. Le complexifie. Notamment. Les complexifie, et il y a effectivement une nouvelle catégorie de contentieux qui apparaît à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le bris de lanterne, qui est plus ou moins poursuivi selon les villes et les lieux, et puis évidemment les intentions des petits délinquants qui s'amusent à faire éclater avec le jet d'une pierre une lanterne. Ceci dit, ce n'est pas très très loin du sabotage qui existe aujourd'hui des caméras de vidéosurveillance. Marco Cecchini, on est en train de parler d'une manière légère, comme si tout allait de soi, mais il a bien fallu que vous vous mettiez vous-même au travail pour cette question-là. Alors comment, une fois encore, avez-vous procédé ? Vous avez évoqué la notion d'archive. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à droite, à gauche, pour construire votre propos là-dessus, en sachant que... on l'a compris, il y a à la fois l'archive du temps sur lequel vous travaillez, là c'est la Genève du siècle des Lumières, mais c'est peut-être également en allant cueillir d'autres fruits dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines. Racontez-nous ça. Alors effectivement, c'est Il y a l'archive, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul matériau hein, de l'historien, contrairement à ce que certains pensent parfois, hein, qu'il suffit d'avoir une archive pour avoir un récit d'un historien. Une des sources d'inspiration importantes de mes travaux a été notamment un travail d'une urbaniste française qui a travaillé au début des années 2000 sur la diffusion de l'éclairage public dans le monde très très contemporain. Et elle posait une question qui, c'est un peu l'œuf de Colomb, hein, mais qui était importante. Est-ce que finalement l'éclairage public qui est instauré comme un dispositif de police a généré la vie nocturne, a généré l'essor des lieux, des espaces de sociabilité nocturne, ou au contraire, est-ce que c'est la demande sociale, les premiers mouvements de libération des corps et des esprits au XVIIIe siècle, en direction de lieux de sociabilité peut-être un peu plus libres, qui ont généré, encore une fois, cet éclairage public? Et évidemment, bon, la question est redoutable. C'est pour ça que vous y êtes levé. Oui, mais on peut l'imaginer. Il n'y a pas de réponse tranchée. Vraisemblablement, ce sont deux éléments qui sont en interaction, qui sont dans l'interdépendance. Et pour moi, ça a été vraiment le moteur d'une réflexion. Et qui, je crois, vaut encore pour aujourd'hui, c'est sur finalement cette interaction très très forte entre espace policier et espace de sociabilité. Et depuis le XVIIIe siècle, 17-18e siècle, ces deux éléments sont en permanente interaction. On ne peut pas penser un espace de sociabilité sans un minimum de règles, de contraintes, etc. Et en même temps, ces règles, ces contraintes existent parce qu'il y a des espaces de sociabilité. Donc c'est une interaction permanente qui se met en place au XVIIe, XVIIIe siècle, notamment autour de l'éclairage public. Mais ma question était, sur quel matériau avez-vous travaillé? Et là, je sais que vous y avez en partie répondu, mais plus précisément, ça suppose qu'au-delà des archives, vous êtes allé, je ne sais pas moi, regarder également de la peinture, lire autre chose que de l'archive historique. Alors d'abord, avant la peinture, on peut décrire quelques types d'archives, quelques sources très très très très concrètes hein, qui existent matériellement et physiquement dans des dépôts d'archives, autrement que sur Internet. Il y a les archives comptables qui renseignent par exemple sur le nombre de lanternes qu'on est prêt à mettre sur pied. Il y a évidemment les archives politiques sur les décisions qui sont prises. Il y a parfois des journaux de particuliers hein, qui racontent hein, cette arrivée de l'éclairage dans les rues. Il y a évidemment les archives judiciaires qui renseignent, on l'a évoqué tout à l'heure, sur ce phénomène des bris de lanternes, hein, ces petits garnements qui s'amusent à casser les lanternes. Alors parfois, ce sont des gestes qui sont connotés politiquement, parce que finalement, en s'attaquant à la lanterne, on s'attaque aussi à l'autorité qui a instauré cette source lumineuse. Donc voilà, les sources sont très diverses. Il n'y a évidemment pas de fonds d'archives spécialement dévolus à l'éclairage public. Hein. On est là dans une dispersion très très grande. D'où la complexité du travail, parce que est-ce que cela suppose que parfois vous tombez de façon évidente sur la chose qui est fort heureusement bien classée, ou est-ce que certaines pêches tiennent du miracle? Alors là, dans le cas précis, je n'ai pas d'exemple de pêches qui tiennent du miracle, comme vous dites, puisque d'une part, il y avait des travaux antérieurs qui avaient été menés sur cette affaire-là, en partie, notamment, je pense, à des articles pionniers rédigés à la fin des années 1980 par Corinne Walker. Il y avait aussi des travaux de Michel Porret sur le traitement judiciaire de la criminalité nocturne. Donc le terrain était en partie balisé. Mais après, c'est vrai qu'il fallait faire le lien entre différents fonds d'archives. Et ça, c'est un petit peu ce qui manquait, je dirais, ce liant entre à la fois la nuit comme espace de sociabilité et, d'un autre côté, la nuit comme espace à contrôler, à surveiller. Sur les sources iconographiques, alors là, c'est très décevant parce que pour l'Ancien Régime nocturne, il n'y a pratiquement pas, enfin, il n'y a même aucun dessin croquis qui renseignent sur la vie nocturne. En revanche, on a quelques aquarelles pour Genève, hein, notamment, enfin, ce sont des gravures hein, qui ont été aquarellées, notamment de Christian Gottlieb Gesner, qui est en activité à Genève à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et lui a dessiné, gravé quelques lanternes fixes, notamment sur les ponts du Rhône. Hier, un quart d'heure avant minuit, étant de patrouille avec Brun dans Saint-Gervais, passant le long de la rue des Corsins, nous rencontrâmes deux particuliers dans cette rue qui venaient du côté de Cornavin. Tous deux sans lumière. Pour les laisser passer et les voir chacun de notre côté, nous nous écartâmes l'un de l'autre et ils passèrent entre nous deux. Quand ils eurent fait 5 ou 6 pas en s'éloignant de nous, j'entends un d'eux qui disait assez haut pour que nous puissions l'ouïr « Voilà les mouchards qui passent ». Je retournai sur mes pas tout de suite, Brun me suivit. Étant près d'eux, je leur dis « Halte là ». « Qui est-ce que vous appelez mouchard ? Apprenez que nous ne le sommes pas. » Ils ne voulurent pas s'arrêter et continuèrent d'avancer chemin en disant qu'ils ne nous avaient rien dit. Je saisis alors un d'eux par son habit qui était vert et Brun saisit l'autre. Je leur dis que pour les insultes qu'ils nous avaient faites, nous allions les conduire à la garde, que nous étions préposés à la sécurité de la ville et pas faits pour être traités de mouchards. Cet extrait que nous venons d'entendre, Marco Cicchini, vous a peut-être plongé dans quelques souvenirs, puisque votre article « Gouverner la nuit au siècle des Lumières entre tyrannie des heures noires et plaisir noctambule » a été adapté à la scène, comme on dit, dans le festival Histoire et Cité. On invite tous ceux qui auraient la curiosité à aller sur le site Mediaserver à l'Université de Genève, où ils pourront voir, où ils pourront entendre l'intégralité de cette captation. Un petit mot peut-être de l'historien. Qu'est-ce que ça donne que d'avoir sa propre recherche mise en scène, d'être finalement, de se trouver mise à distance de sa propre écriture, de sa propre recherche? Est-ce que ça la nourrit? Est-ce que ça a fait voir les faiblesses, les défauts, Bon, d'abord, on se sent honoré, flatté. On a la chance d'avoir de pouvoir faire un pas de côté en fait sur sa propre recherche, qui est donnée à voir d'une manière tout à fait neuve, hein, de mon point de vue en tout cas. Et je pense que c'est un exercice très intéressant pour penser la manière de transmettre le savoir historique. Donc j'ai été parfaitement évidemment heureux de participer à cette expérience. Après, sur la pratique concrète de l'histoire, ce genre d'expérience permet de toucher à quelque chose qui finalement est souvent absent dans le travail de l'historien. Je ne dis pas toujours, mais souvent, c'est l'émotion. Et dans ce mode de transmission du savoir qui a été choisi, donc la scène, des comédiens qui lisent des extraits de sources, des musiciens qui interprète de manière magistrale et pas du tout d'ailleurs littérale hein, les sonorités ambiantes. Ils ont vraiment interprété et pensé, digéré en fait une matière historique pour la restituer en son. Je crois que durant la représentation, un des musiciens parlait de couleurs. Hein. Ils se sentaient comme des peintres qui avaient mis de la couleur finalement sur un texte. Eh bien, ce qui ressort de tout ceci, c'est vraiment l'émotion. Et plusieurs des sources qui sont dites, notamment extraites des archives de la pratique quotidienne, des ordonnances de police, des archives tirées des fonds judiciaires, dites par des personnes en chair et en os, à haute voix, sur scène, eh bien, incarne le propos et lui donne une émotion que l'on perçoit pas forcément quand on est dans la routine de la recherche, on tourne des pages, on lit des milliers et des milliers et des milliers de pages, milliers d'affaires, etc. Et où parfois cette émotion-là, elle disparaît parce qu'on est un peu fatigué et puis parce qu'on est dans la routine. Marco Cecchini, après les historiens, ce sont aussi certains documentaristes, telle Agnès Beauvais, qui sera notre micro demain, qui s'intéresse et travaille sur la question de la nuit. Vous avez regardé ce documentaire en tant que spectateur, mais évidemment en tant que personne directement concernée, historien, puisque vous-même avez travaillé sur ce sujet-là. Première réaction sur le fait que la nuit, un ou une documentariste en l'occurrence, ait l'idée d'en faire un film. Est-ce que ça vous a surpris ? Surpris non, parce qu'il y a matière, surtout pour les périodes les plus récentes, à faire une histoire finalement visuelle. Hein, Alors, est-ce que c'est une histoire de la nuit ? Est-ce que c'est une histoire de l'éclairage public. Je n'ai pas été surpris, mais ce que je trouve remarquable dans ce film, c'est ce récit qu'il arrive à nouer de manière parfaitement cohérente entre finalement le XVIIe et le XXe siècle autour d'un fil rouge qui est parfaitement cohérent et qui serait celui-ci. Finalement, qu'est-ce que l'arrivée de l'éclairage public a transformé dans nos vies quotidiennes. Et le documentaire part d'un constat finalement récent, qui est un peu banal hein, pour un historien de la nuit. La vie nocturne est un héritage récent, mais je trouve que le parcours qu'elle propose est très fort, très cohérent, très très bien documenté. Il y a des très belles archives sonores qui sont proposées, des sources qui sont dites. Notamment, j'ai redécouvert un texte de Louis-Sébastien Mercier, auteur du fameux tableau de Paris dans les années 1780, qui s'intéresse justement aux différentes manières de vivre les heures du jour et qui a ce mot très très savoureux sur le passage, ce moment finalement où la vie nocturne émerge dans les villes au XVIIIe siècle, pendant que les ouvriers, les charpentiers, les manouvriers rentrent dans leur faubourg où ils habitent, la marquise et la comtesse se préparent leur toilette pour sortir à l'opéra. Et les 5 heures, Paris se lève. Oui, hein, mais quel Paris ? Et là, on est, alors par rapport à la chanson de Dutronc, on est quand même 150 ans plus tôt, où finalement quelque chose se noue. Et je trouve que le documentaire le montre très très bien, à travers finalement cette chose banale, comme le dirait l'historien Daniel Roche, hein, l'éclairage public aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument banal. Le documentaire montre bien comment cette chose banale a finalement transformé en profondeur notre rythme social et notre manière de vivre la nuit. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc